Le léopard de Brahmasiva, conte du Bhoutan, par Léon Charpentier. Dans la plus belle et plus riche partie du Bhoutan, il était plus qu'un maître, il était presque un dieu. Les ravages qu'il avait exercés sans que l'on pût réussir à le surprendre avaient inspiré aux riverains du Brahmapoutre une terreur superstitieuse. Le peuple avait surnommé ce léopard Ambuda, c'est-à-dire nuage. Il était beaucoup plus grand que les autres fauves de sa famille. Sa robe était magnifique. Il avait la gorge, le poitrail et le ventre d'une blancheur éclatante. Et sur son dos roux, son pelage était comme un manteau doré. Mais sur la tunique blanche du ventre et sur le manteau d'or, étaient semées des rosaces noires qui se composaient de cercles concentriques très réguliers. Nul n'aurait pu indiquer exactement où était située sa tanière. Durant le jour, comme les autres léopards, il restait le plus souvent couché dans les halliers. À maintes reprises, on l'avait vu se diriger vers les ruines d'un temple de Brahmasiva. Mais lorsque les soldats du Raja Mairam avaient voulu cerner les ruines, Ambuda avait toujours trouvé le moyen de disparaître, en sorte que Mairam et son peuple avaient fini par croire qu'il était une incarnation de quelque divinité malfaisante. Mairam avait deux fils, dont l'aîné se nommait Maitreba et l'autre Vedanti. Une épidémie se déclara dans les états du Mairam, et les devins, consultés par le Raja, déclarèrent que Brahmasiva frappait le peuple de ce fléau parce qu'il était irrité contre le Bhoutan, où se perpétrait un crime atroce. En effet, un des fils de Mairam méditait d'assassiner son père et de monter sur le trône aussitôt son forfait accompli. « Il faut, ajoutaient les devins, que le coupable périsse. La colère de Brahmasiva ne sera apaisée que quand le fils, par ici dans son cœur, aura été dévoré par le léopard Ambuda. » À cette révélation, Mairam, transporté de fureur, fit arrêter et amener devant lui Maitreya et Vedanti. « Lequel de vous deux, s'écria-t-il, médite de tuer son père pour monter plutôt sur le trône du Bhoutan ?»« Brahmasiva réclame une victime expiatoire. Que le parricide avoue son horrible projet ?» Maitreya et Vedanti se jetèrent aux genoux de leur père en protestant avec des larmes de leur innocence. Mairam décide alors que Vedanti, le puiné, serait présumé coupable et livré au léopard Ambuda. Les soldats s'emparèrent de lui, le garrottèrent et le conduisirent à la lisière d'une forêt, près d'un arbre au pied duquel on avait vu souvent l'empreinte des pas d'Ambuda et les restes de ses festins sanglants. Les exécuteurs de la vengeance royale y servaient Vedanti jusqu'à la branche maîtresse de l'arbre, qui était la plus accessible et en outre d'une grosseur permettant d'y coucher la victime comme sur un lit de supplice. Vedanti fut solidement attaché, par les bras et par la taille, à la branche et au rameau qui en partaient. Les jambes furent laissées pendantes et libres, afin que les mouvements instinctifs que ferait Vedanti excitassent la colère d'Ambuda. Car on sait que parfois, le léopard est inoffensif devant l'homme lorsque celui-ci ne montre aucune intention agressive et que le fauve n'est pas affamé. Quand le soleil descendit derrière les montagnes, Ambuda se mit en marche pour sa chasse nocturne. Bientôt il apparut sous l'arbre accoutumé. Il aperçut Vedanti, et avec une souplesse merveilleuse, il grimpa au tronc énorme et marcha sur la branche avec une aisance terrifiante pour la victime. Maintenant la gueule d'Ambuda frôle le corps de Vedanti. Il flaire la proie qui lui est offerte pour se rendre compte si ce n'est pas un cadavre. Sans doute Ambuda a-t-il faim ce soir. Sa gueule formidable s'ouvre. Vedanti, à cette vue, pousse un cri désespéré. Les crocs du léopard, comme une rangée de poignards mortels, s'enfonce dans le ventre de l'infortuné. Ambuda plonge son museau sanglant dans les entrailles. Il dévore les intestins dont la chaleur l'enivre. Il avale les lambeaux de chair palpitante qui rougissent à la fois le museau ardent du fauve et le feuillage environnant. Ambuda relève par intervalles sa tête horrible avec un air de triomphe. Mais aussitôt il se remet à son œuvre féroce. Il a fini de dévorer les entrailles. Il a mis à nu les côtes. Par une pression de sa patte puissante, il les fait craquer, il les détache, il les rejette, il pousse son museau jusqu'au cœur Il mange le cœur. Un Bouddha est repu. Il descend de l'arbre avec une grâce féline. Il flaire encore, avec une sorte de nonchalance, les gouttes de sang tout à l'heure tombées à terre, et il disparaît dans le hallier. Le lendemain, les serviteurs du Raja Mairam vinrent recueillir les restes affreux de Vedanti. On les brûla, et les cendres furent jetées au vent. Cependant, l'épidémie, invinciblement, continuait à sévir parmi le peuple du Bhoutan. Mairam vit tomber ses frères, la plus chère de ses épouses, plusieurs de ses filles et les chefs les plus habiles de son armée. Les devins, de nouveau interrogés, répondirent au roi que Brahmasiva avait privé Mairam de ses meilleurs généraux pour qu'il fût sûrement vaincu dans une guerre prochaine que son voisin, le souverain du Dhaka, allait susciter. Pour détourner tous les malheurs futurs et guérir les maux présents, il fallait encore un sacrifice. Brahmasiva réclamait pour un Bouddha l'autre fils de Mairam, l'aîné, qui était sans doute le vrai coupable, Maitreya. Affolé par tous les désastres qui l'environnaient, le cruel Mairam consentit au supplice de Maitreya. Comme on avait fait pour Vedanti, on l'attacha sur l'arbre cher au léopard redouté. Et le crépuscule vint. Un Bouddha, cette fois, avait-il dévoré quelques gazelles avant de passer en cet endroit? Il grimpa sur l'arbre, il flaira Maitreya. Le jeune homme possédait une volonté héroïque, presque surhumaine. Il ne bougea pas, il garda le silence, il simula le sommeil. Un Bouddha hésita quelques secondes, puis il s'accroupit sur la branche. Il reposa sa tête sur le corps tiède de Maitreya, et il demeura ainsi somnolent. Cette attente était pour Maitreya un supplice égal à la mort. Un soupir, une palpitation trop forte de sa poitrine, une crispation soudaine d'un muscle, eût suffi à éveiller la colère d'un Bouddha, dont la clémence, en cet instant, était inexplicable. Le condamné mettait toute son âme indomptable à maîtriser les tresseaux de sa chair. Par un phénomène étrange, son cerveau, trop excité d'abord, s'engourdit au bout de quelques minutes et Maitreya s'endormit presque réellement. Tout à coup, l'homme et le fauve se réveillèrent en sursaut. Un cri perçant venait de déchirer l'air. Le léopard se dressa, il regarda autour de lui. Dans la nuit bleue, il aperçut des formes humaines. Maitreya était perdu. De sa griffe puissante, le léopard laboura le ventre de sa victime, il arracha les entrailles, puis, d'un bond, il s'élança sur le sol et disparut dans le hallier. Alors, les formes humaines s'approchèrent. Des larmes et des cris retentirent autour de l'arbre. On descendit le corps de Maitreya. Le malheureux avait été perdu par la tendresse même de sa fiancée Namisepa, qui, avec une troupe de serviteurs dévoués, était venue dans le dessein de délivrer son cher Maitreya. Partie au crépuscule, pour ne point éveiller les soupçons de Mairam, elle était arrivée la dernière au tragique rendez-vous. Elle avait aperçu le léopard redoutable tout près de son fiancé et elle avait poussé un cri d'effroi. Le temps passa. Dans le pays de Bhoutan, vint un jour un homme étranger qui trouva très belle Namisepa et qui voulut l'épouser. Namisepa posa comme condition que l'étranger lui apporterait un collier fait avec les dents du léopard un Bouddha. L'étranger obtint de Mairam, renseigné maintenant sur les menées des devins, que l'un d'eux fut attaché sur la branche de l'arbre maudit à la place où avaient été Vedanti et Maitreya. Quand le léopard, autrefois insaisissable, parut sur l'arbre où on l'attendait, l'étranger hardiment épaula son fusil et frappa le léopard de deux balles. Un Bouddha reçut l'une dans une jambe et l'autre lui creva un œil. Il bondit cependant sur le sol. Mais de nouvelles balles le frappèrent, dont l'une le toucha près du cœur. On l'acheva. Mairam reconnut que sa dépouille appartenait à son vainqueur. C'est ainsi qu'un Bouddha le nuage, l'imprenable léopard de Brahmasiva, fournit le collier nuptial à Namisepa qu'aimait l'étranger. Ainsi s'achève le léopard de Brahmasiva, conte du Bhoutan, par Léon Charpentier.